Un jour de novembre quelconque, je me réveille à 15h15. Dehors il pleut à torrents. Je n'ai même plus la force d'aller faire les courses. Je suis seul comme tous les jours. Personne ne m'a écrit sur Messenger. J'aimerais mettre fin à mes jours. Mon existence est si absurde. Car en plus d'être seul, je suis fou. C'est désormais une certitude. Mon âme sœur n'existe nulle part. Il y a des filles qui m'ont aimé, mais finalement c'était du complot. Un grand complot pour que je meure. Si les choses avaient bien tourné, j'aurais pu vivre avec Juliette dans le même grand appartement. Je ne me réveillerai pas seul. Je vivrai avec une belle fille. Je saurai qu'elle va rentrer du boulot et que je passerai la soirée avec elle. Tout est raté, tout est consommé. Dans quelle solitude je vis aujourd'hui? Il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir faire de cette journée une journée exceptionnelle qui se démarque des autres. Car j'ai besoin de vivre à fond. Je vais peut-être prendre 2 grammes de speed ou bien boire 5 bouteilles d'alcool. Bien peut-être faire caca par terre. Oui, ça c'est une bonne idée. Chier par terre au milieu du salon et prier Dieu en écoutant du rock. Mais à quoi bon? Oui, à quoi bon? Puisque tout est consommé, puisque tout est consommé, puisque tout est consommé, puisque tout est consommé.